Again, I shall go and get the fishmonger to prepare the fish. Cultive tes goûts. Do fine. Get about like a trout. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. J'ai trouvé plein de bonnes musiques gratuites pour vous cette semaine. Donc, on va débuter sans plus attendre avec Kiss Zanto, un artiste qui vient de la Hongrie. Il est publié sur Dusted Wax Kingdom. Je vous fais passer sa pièce Jungle 8000. Tout de suite après, sur Section 27, c'est Ventolin and Becodite. C'est la pièce Raspberry Eyes, donc Ventolin and Becodite. C'est un groupe qui vient de Galway City, en Irlande. Ben c'est ça, on débute Web Music avec Kiss Zanto. Thank you. C'était Ventolin and Becodite, la pièce Raspberry Eyes. Donc, Ventolin and Becodite qui viennent. C'est un artiste qui vient de la ville de Galway City en Irlande. Donc, ça, c'était publié sur Section 27. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours consulter la playlist de l'émission sur le site qui est au www.webmusique.ca. Vous avez accès donc à la playlist, vous pouvez télécharger les pièces et vous avez aussi accès au podcast des émissions précédentes. Avant ça, ben, c'était Kiss Zando, un artiste de la Hongrie avec sa pièce Jungle 8000. Ça, c'était publié sur Dusted Wax Kingdom. Donc, pour poursuivre l'émission, on va entendre I Am the Architect avec la pièce Walk in Regret. C'est sur Mine, All Mine Records. Ensuite de ça, de l'Irlande, Canobie avec la pièce Flames. Thank you.

tu me donnes ton avis sur tout. Tu trouves ma blonde de ton goût, mais touche pas à la bière. Mercredi 20 avril, ouverture des portes 19h, showtime 20h au Tam Tam Café. 421 boulevard Langelier, coin Charest. Comme c'est ta contribution volontaire, invite tes amis, leurs voisines, mais... touche pas à la bière. En collaboration avec CKRL et l'artisan et son pays. C'est des succès oubliés des années 70, 80, 90. Tout ça dans la boîte à cassettes de Jean-Philippe Deschênes. Les mardis, dès 20h. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On est fait ensemble encore pour la prochaine demi-heure. On va poursuivre avec un artiste de la Pologne que j'adore, qui s'appelle L'eau du robinet. Je vous fais passer sa pièce cinématique Monkey. Ensuite de ça, de la Russie, c'est le groupe Gazprom avec leur pièce Broadway. Donc ça, c'est deux artistes, plutôt de deux pièces qui sont publiées sur Random Flow, un net label qui vient de la ville de Bristol. Donc ben, pour tout de suite, on écoute L'eau du robinet. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. You might be missing some of the benefits that stereo can provide. Some of the benefits that stereo can provide. Асфальт стекло и дует вино, леса и травинки сбриты. На север с юга идут авеню, на запад с востока стриты. А между куда и строитель завез, дома невозможно длинны. Одни дома длиной до звезд, другие длиной до луны. Бежащим механикам с гонгом, а люди заметают жевать. Чуем там, чтобы бросить мейк мари. Бежащим механикам с гонгом, а люди заметают жевать. Чуем там, чтобы бросить мейк мари. Ямки подошвами шлепать ленив, простой курьерский лифт. 7 часов человечий прилив, 17 часов отлив. Работа окончена, дело обвей, сплошной электрический ветер. Хочешь по землю, бери сабвей, на небо бери элевейтер. Бруклинский мост и спрячут в норы под Гудзон. Тебя слепила ты осавел, но как барабанная дробь. Из тьмы по темени кофе Максвелл, будь дела джоб. Скрежещи мариком, слонгом, а люди заметят жевать. Шуингам, чтобы бросить мейк мари. Скрежещи мариком, слонгом, а люди заметят жевать. C'était la pièce Broadway par le groupe Gazprom, un groupe russe. C'était publié sur Random Flow. Également sur la même étiquette, on avait entendu tout juste avant L'eau du robinet avec sa pièce cinématique Monkey. L'eau du robinet, un artiste polonais. Donc, c'est ça. On va poursuivre Web Music avec un artiste qui s'appelle Hypoethical. Sa pièce s'appelle A Turntable and a Koto Records. Donc, Hypoethical, qui est publié sur Dusted Wax Kingdom, c'est un artiste qui vient de la ville de San Jose, en Californie. Ensuite de ça, sur le label 14, donc un net label assez minimaliste, il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations à propos des artistes, mais ils ont quand même de l'excellente musique. Donc, je vais vous faire passer une pièce de Between Cathedral, la pièce s'appelle Sky, vous allez voir, c'est excellent. We'll be right back. du drum and bass complètement furieux à tendance un peu 8 bits. L'artiste s'appelle Between Cathedral. C'était la pièce Sky, donc publiée sur 14, un net label assez discret, mais qui ont du bon matériel. Avant ça, de San Jose en Californie, c'était Hippo Ethical avec la pièce A Turntable and a Koto Records, donc un peu de hip-hop mélangé avec musique japonaise. Ça, c'était publié sur Dusted Wax Kingdom. N'oubliez pas que la playlist de l'émission est disponible sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous avez accès à toute cette bonne musique. Vous pouvez télécharger gratuitement. Vous pouvez partager aussi. C'est fait pour ça. On va poursuivre avec Ornament de l'Angleterre. La pièce s'appelle She Does Dance. Donc, c'est auto-publié par Ornament qui n'est pas encore signé sur un net label. L'Angleterre, c'était Ornament avec la pièce She Does Dance, donc c'était auto-publié. Je crois que ça va être tout. Ben oui, ça va être tout pour Web Music. On va se laisser sur une dernière pièce de X-Land. C'est un duo suédois. La pièce s'appelle Mr. Jones Hammer. Vous allez voir, une excellente pièce. Je vais vous donner un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 21h pour une autre émission de Web Music. Pendant la semaine, bien, vous pouvez toujours visiter le site de l'émission pour avoir accès à toute cette bonne musique. Tout de suite après cette pièce-là, bien, c'est le Dr Franco qui va prendre les ondes de CKRL. Donc, bien, c'est ça, je vous souhaite une belle soirée sur les ondes de CKRL.